Amis auditeurs de Radioactive, bonsoir et bienvenue dans cette 118e émission, saison 5, épisode 11, avec un petit générique remix, avec un petit saut de musique. Voilà, ça arrive de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, c'est le fantôme dans la machine, comme on dit, qui est intervenu. Toujours en compagnie de Vincent qui assure la technique. Cinquième saison, épisode 11, donc 118e émission, que l'on va commencer avec un générique, comme d'habitude, en rappelant que le nôtre, c'est celui de Nicolas Gardel et les Headbangers, le morceau Bacchus. Nicolas Gardel et les Headbangers qui seront, enfin du moins Nicolas Gardel, peut-être pas les Headbangers, mais Nicolas Gardel qui sera en concert à Blois le 24 janvier prochain. Voilà, si vous voulez rencontrer l'homme qui met en musique notre générique depuis 5 ans, et ben voilà, ça sera au Lobis à Blois, le 24 janvier 2026, à ne pas louper, parce que ça risque de groover joyeusement. Voilà, pour cette petite annonce de concert, inhabituellement placée en début d'émission, mais voilà, il faut changer un peu. Une émission dans laquelle il y aura beaucoup de nouveautés encore, cette fois-ci côté français, là. La semaine dernière, on avait fait les nouveautés côté États-Unis plutôt. Là, on va aller explorer côté français. Mais pour commencer, eh ben on va commencer par un autre français. On commence par notre rubrique générique avec un célèbre film d'Edouard Molinaro datant de 1962 qui s'appelle Un témoin dans la ville, avec dans le rôle principal le grand, l'immense Lino Ventura dans un rôle de méchant un peu dans ce film-là. Voilà, chauffeur de taxi, pas très clean sur lui. Il va semer quelques cadavres derrière lui au fil du film. Et la musique de ce film, Edouard Molinaro avait fait appel à Barney Whelan, saxophoniste qui avait déjà enregistré pas mal, notamment en compagnie de Miles Davis pour le film Ascenseur pour l'échafaud. C'est lui qui tient le sax sur ce film. Il avait aussi joué dans le film Les Liaisons dangereuses avec Monk et Art Blakey. Autant dire que ce jeune blanc bec de Barney Whelan avait déjà une belle carte de visite auprès de lui. Pour ce film, Edouard Molinaro l'appelle et lui demande de s'entourer de la crème des musiciens américains jouant à Paris à l'époque. Donc on retrouve Kenny Dorham à la trompette, carrément, Duke Jordan au piano, Paul Revere à la basse et Kenny Clarke à la batterie. Donc le meilleur des Américains jouant à l'époque sur les scènes parisiennes, parce qu'ils y sont mieux accueillis pour beaucoup qu'aux États-Unis. Et donc, il nous signe ce générique du film qui, depuis, a été abondamment repris, notamment par Eric Truffaz, il y a 2 ans, sur un album consacré au générique et aux musiques de film, justement. Un témoin dans la ville, donc Barney Whelan, une ambiance très film noir. Thank you. C'était Barney Whelan, Un témoin dans la ville, film d'Edouard Molinaro, le générique de ce film, donc signé du saxophoniste français en compagnie de Kenny Dorham à la trompette, Duke Jordan au piano, Paul Revere à la basse et Kenny Clark à la batterie, groupe de rêve pour ce très très beau film noir d'Edouard Molinaro. On va donc passer, comme je vous le disais, au coup de cœur de cette semaine, une actualité encore très très très très riche en sortie. Noël approche de plus en plus, encore un mois et demi avant que le Père Noël vienne déposer, pourquoi pas, des disques au pied de votre sapin. N'oubliez pas, c'est toujours bien d'avoir des disques, de pouvoir en profiter de temps en temps quand on a une petite minute pour soi et qu'on a envie de se poser et d'écouter de la musique. Donc le premier coup de cœur français, c'est un certain Tom Bourgeois et son quartet qui sortent un album qui s'appelle Lily. Lily, ce n'est autre que Lily Boulanger, une grande compositrice de musique classique française, née à la fin du 19e siècle et morte malheureusement très jeune, à l'âge de 24 ans, en 1918. C'était la sœur d'une autre grande compositrice et formatrice de la musique classique en France, Nadia Boulanger. Nadia Boulanger qui avait même été jusqu'à recueillir sur son lit de mort la partition que lui dictait sa sœur Lily Boulanger pour un Pie Jésus qui a été Pie Jésus pardon qui est reproduit ici par Tom Bourgeois dans une version tout à fait personnelle. Il repart des pièces originales de Lily Boulanger et il les réarrange avec un côté plus jazzy, bien sûr, forcément, mais tout en respectant la composition et la partition d'origine. On retrouve sur cet album ce morceau, le Pied Jésus de Lily Boulanger, mais on va écouter un autre morceau. Là, il est en compagnie de Théo Lano à la batterie et Lennart Heinholz et Alex Kou également qui font les basses et les claviers sur cet album-là. Tom Bourgeois, lui, s'illustre sur ses arrangements qu'il met en scène là, dans cet album-là. Le morceau qu'on écoute s'appelle Thème et variation numéro 1. C'est donc extrait de cet hommage à Lily Boulanger, Tom Bourgeois Quartet. Thank you. C'était le Tom Bourgeois Quartet qui rend hommage donc à Lili Boulanger, compositrice morte trop tôt à 24 ans en 1918 et dont l'œuvre reste encore en grande partie à redécouvrir. On connaît plus sa sœur Nadia Boulanger, mais elle a aussi composé de bien belles pièces. Donc ce thème et variation numéro 1 qu'on vient d'écouter, réarrangé par Tom Bourgeois, mais on conserve la partition originale dans cela. Alors sur cet album de Tom Bourgeois, il y a un invité sur certains morceaux qui n'est autre que le violoncelliste Vincent Courtois. Il se trouve que Vincent Courtois lui-même sort un nouvel album avec son trio habituel. Il y est accompagné donc de Robin Finker au sax et à la clarinette, et puis Daniel Erdmann au saxophone ténor. Donc c'est une composition de trio un petit peu originale, violoncelle, sax ténor, deux sax ténors ou sax ténor plus clarinette. Ça nous donne une musique qui, sur cet album-là, qui est quand même leur cinquième album en date, un hommage au jazz West Coast. C'est parfois des albums qui sont un petit peu ardus, mais là ils ont un petit peu fait un petit clin d'œil au jazz cool, jazz West Coast des années 50-60, Chet Baker et compagnie. Et donc voilà, on retrouve un album un petit peu plus calme, un petit peu plus doux, et notamment sur ce titre-là qui s'appelle Lines for Lions et qui donne d'ailleurs son titre à cet album. C'est donc Vincent Courtois, Robin Finker et Daniel Erdmann, Line for Lions. Line for Lions, c'était donc ce nouveau trio de Vincent Courtois, Robin Finker, Daniel Erdmann, cinquième album, extrait de l'album du même nom. On va continuer toujours cette exploration des nouveautés françaises avec un retour. Ça fait un moment qu'on n'avait pas eu de nouvelles de lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faisait rien, il devait jouer comme ça à droite à gauche, mais il revient avec un nouvel album. Il s'agit de Jérôme Sabag. Jérôme Sabag, on l'y retrouve accompagné lui au saxophone, de Ben Mander à la guitare. Le Ben Mander qu'on a entendu beaucoup récemment, notamment sur l'album de Bad Plus, puisqu'il a rejoint la formation Bad Plus depuis 2 ans. Et qu'on a vu en concert d'ailleurs au Petit Faucheux l'année dernière. Il y a Joe Martin à la basse et Nashit Waits à la batterie, donc un bien beau trio américain pour accompagner Jérôme Sabag dans ce nouvel album. Jérôme Sabag qui avait déjà auparavant beaucoup accompagné des gens qu'on a écoutés d'ailleurs la semaine dernière, notamment Kenny Barron, le pianiste, et puis Al Foster, le batteur, donc qui était dans nos coups de cœur de la semaine dernière, nos coups de cœur américains. Et ben voilà, il a joué avec eux on le retrouve ici aujourd'hui en coup de cœur lui-même. Donc avec cet album qui rend hommage à tout un tas de gens. Il fait des morceaux un petit peu dans l'esprit de ce que peut faire quelques-unes de ses idoles. Alors il y a un morceau de Lone Jack qui est un hommage à Ray Charles, un break song qui lui est un hommage à Stevie Wonder, un autre Mosh Pit qui est un hommage à Trent Reznor de Nine Inch Nails. Enfin bref, tout un tas de petites choses, mais tout ça garde une belle unité parce que il sait garder un son particulier, un son à lui, bien aidé en cela par ce superbe trio américain qui l'accompagne. Jérôme Sabag, le morceau que je vous ai sélectionné s'appelle Lunar Cycle, le cycle lunaire, et je vous laisse en sa compagnie. C'était Lunar Cycle de Jérôme Sabag, extrait de ce nouvel album Stand Up, une très très très belle réussite du saxophoniste français qui nous revient après plusieurs années d'absence discographique du moins. On revient un petit peu dans la région tourangelle puisque le coup de cœur suivant c'est le nouvel album de Johan Nustalo avec son ensemble Aérophone, un ensemble qui a déjà sorti cinq albums, c'est le cinquième album de cette série, dans lequel il y a eu, au niveau du troisième album, un ajout d'un musicien, c'était Glenn Ferris, le tromboniste, mais là on retrouve le trio de base, Aérophone, Johan Nustalo donc à la trompette, Blaise Chevalier à la contrebasse, et Fred Pasqua à la batterie. Donc ces trois hommes-là nous font un joyeux mélange de jazz, de musique un petit peu improvisée, d'une sorte de swing en même temps. Il y a toujours le swing qui ressort quand même dans ce trio. Et le morceau que je vous ai sélectionné s'appelle Grabuge. Alors ça c'est orthographié G-R-A-B-U-J. Donc Grabuge, et vous verrez, donc, il malmène un petit peu la musique comme il malmène l'orthographe sur ce mot-là. Mais c'est quand même très très intéressant à écouter et très intéressant à suivre. Johan Nustalo, Blaise Chevalier et Fred Pasqua, Aérophone. Thank you. C'est donc le nouveau projet Aérophone de Johan Lustalo, Blaise Chevalier et Fred Pasqua, avec ce morceau qui s'appelle Grabuge, qui vient juste de sortir dans les bacs, chez l'autre distribution, si ma mémoire est bonne. Un autre homme qui aime bousculer un petit peu les choses en France, c'est Stéphane Kerecki, avec tout un tas de projets différents. Il est toujours sur la brèche, on l'a vu beaucoup avec des albums en duo, piano et contrebasse, ou récemment on avait fait un coup de cœur en début d'année en compagnie de Vincent Segal, c'était original, contrebasse et violoncelle, un très très bel album dans lequel il y avait aussi R.L. Besson qui venait poser sa trompette de temps en temps. C'est un garçon qui multiplie les projets, mais c'est toujours très, très passionnant. Et là, son nouvel album s'appelle Liberation Songs, et c'est un hommage à Charlie Haden, le grand contrebassiste qui a accompagné beaucoup de gens et qui a connu une carrière lui aussi très très riche. On le trouvait souvent en compagnie notamment de Pat Metheny, mais aussi de Keith Jarrett, Charlie Haden. Et sa carrière a couvert un petit peu tous les styles de jazz, du free jusqu'à des choses vraiment très très très cool. Et ce Liberation Song, c'est un petit peu un clin d'œil à l'album qui a fait connaître Charlie Haden au début des années 70, le Liberation Music Orchestra, dans lequel il rendait hommage aux révolutionnaires d'Amérique du Sud, d'Afrique, etc., qui essayaient de renverser l'ordre mondial un petit peu à travers leur lutte pour la liberté. Et c'est avec cet album qu'il a nommé cet album, Stéphane Kerecki, donc Liberation Songs. Mais le morceau que je vous ai choisi est assez intéressant, parce que c'est pas du tout extrait de cet album-là. C'est un arrangement vraiment, vraiment très intéressant d'un album que Charlie Haden avait sorti en duo avec Pat Metheny. Décidément, il y a souvent Pat Metheny dans cette émission. Je ne peux pas cacher mon admiration pour ce garçon, même si tout ne me plaît pas dans ce qu'il fait. Et notamment, il y avait cet album en duo avec Pat Metheny et Charlie Haden, qui était sorti dans les années 1996, qui s'appelait Missouri Sky. Alors c'est un album qui avait été couvert de lauriers par toute la presse, etc. Personnellement, j'étais resté un petit peu dubitatif, parce que c'était un album très très très très cool, où Pat Metheny jouait des jolies petites parties de guitare, mais qui ne filaient pas le frisson. Charlie Haden avait bien du mal à relancer un petit peu la machine. Sauf que là, la lecture qu'en fait Stéphane Kerecki rend le morceau qu'il reprend de cet album-là tout à fait intéressant, parce que ce qui était à l'origine un morceau plutôt plan-plan, un peu country, un peu joli, dans le mauvais sens du mot joli, un peu mièvre presque, Stéphane Kerecki en fait un arrangement. Il faut dire que derrière lui, il y a aussi Thomas Savy, Émile Parisien, Fabrice Moreau, Enzo Carniel, Federico Casagrande. Donc il y a du beau monde pour l'accompagner, Stéphane Kerecki, sur ce morceau-là. Ça crée un morceau qui devient un véritable spiritual, c'est-à-dire que ce morceau qui s'appelait spiritual, mais qui n'avait rien de spirituel, ni de gospel, ni quoi que ce soit, devient entre les doigts de Stéphane Kerecki et de ses accompagnateurs un véritable morceau vraiment prenant, et c'est une redécouverte en fait que cette composition entre les mains de Stéphane Kerecki. Je vous laisse en compagnie de ce morceau Spiritual, la reprise du morceau de Charlie Haden et Pat Metheny par Stéphane Kerecki sur ce Liberation Songs, une petite merveille. Thank you. Voilà, c'était l'arrangement donc de Spiritual, le morceau de Pat Metheny et Charlie Hayden par Stéphane Kerecki, donc qui le porte à un niveau absolument exceptionnel. Morceau que je trouvais un petit peu insignifiant entre les doigts de Metheny et Hayden en 96 sur l'album Missouri Sky. Là, il prend vraiment une ampleur tout à fait particulière et tout à fait intéressante. Un autre retour, c'est celui de Louis Clavis. Louis Clavis qui n'était pas vraiment parti, hein, puisqu'il sort des albums pratiquement tous les ans, mais voilà, il nous revient en cette fin d'année 2025 avec un album qui s'appelle India, et donc qui documente un petit peu musicalement sa vision de l'Inde. Il y a fait des séjours, et voilà, c'est un petit peu ce qui retire des rencontres qu'il a pu faire là-bas, qu'on retrouve sur cet album. L'album sort sur le petit label indépendant Yolk, distribué par l'autre distribution, et c'est vraiment intéressant de voir des artistes de cette renommée-là, des grands artistes, continuer d'enregistrer pour des petits labels, de les soutenir, et ça fait vraiment plaisir. C'est bien d'avoir des grands noms qui soutiennent la création de ces petits labels. Sur cet album, Louis Clavis est accompagné de Christophe Lavergne à la batterie, Benjamin Mousset, le grand Benjamin Mousset, au piano, Sarah Murcia à la contrebasse, c'est son quatuor habituel, et bon, il y a tout un tas d'atmosphères un petit peu différentes au fil de l'album, qui se termine par le morceau que je vous ai choisi, qui s'appelle Monter au K2, le K2, vous savez, ce sommet qui est la deuxième plus haute montagne du monde derrière l'Everest, d'où son nom, K2, et ce morceau Monté au K2, et ben je vais vous le laisser écouter tout de suite. C'est Louis Clavis qui nous entraîne dans son alpinisme. confronté au cas de vu par Louis Clavis, sans piolet, sans sherpa, tout simplement avec ses amis Christophe Lavergne à la batterie, Benjamin Mousset au piano et Sarah Mutia à la contrebasse. Un beau moment de musique avec oxygène. On a beau être au-delà des 8000, voilà, on a quand même de l'oxygène avec nous. On continue cette exploration des nouveautés françaises avec un nouvel album de Nicolas Geneste. Nicolas Geneste, trompettiste français d'origine béninoise. Du coup, son album est un petit peu un hommage toujours aux racines. Il a grandi en France, mais en 2006, il est retourné au Bénin, découvrir un petit peu ses racines. Et là-bas, il a été frappé par la culture, par la musique de ce pays. Et aujourd'hui, il continue au fil des albums à rendre hommage à cette musique africaine qu'il a dans le sang. Et ça se sent, ça s'entend avec ses compagnons de musique. Il crée des morceaux qui sont empreints de cette musique africaine, mais qui en même temps ne sont pas un copier-coller. C'est-à-dire qu'il y a des vrais arrangements, il y a de la vraie composition derrière, et on est dans le domaine du jazz, mais il n'y a pas que ça dedans. Il y a aussi d'autres choses, mais ça reste avant tout une partie très très jazz. Il a beaucoup travaillé avec d'autres artistes du jazz qui sont d'origine soit antillaise, soit africaine, comme Lionel Loueke, par exemple. Ce nouvel album, on y retrouve beaucoup, beaucoup de monde, Lionel Loueke notamment, mais pas sur le morceau qu'on va écouter. Il y a encore, tenez-vous bien, Chris Potter, qu'on a beaucoup écouté la semaine dernière, qui était en invité sur plein de morceaux que je passais. Et ben, il figure aussi dans cet album. Mais il n'est pas sur le morceau que je vous ai choisi. C'est des morceaux assez complexes avec des arrangements très très riches que vous allez entendre là. Il y a de la voix, il y a des instruments assez originaux, en plus des instruments classiques du jazz. On retrouve ici Lynn Lemart à la basse, on retrouve Yvan Robillard à piano, Chalet à la guitare, Frédéric Boré au sax, Christian Templé à la batterie. Mais vous allez avoir aussi plein de petites sonorités de petits instruments joués par Nicolas Geneste et puis quelques invités aussi, qui est Nicolas Geneste qui lui tient le bugle et la trompette, mais qui aussi utilise la voix de temps en temps. Alors le morceau, tenez-vous bien, s'appelle Midugbek Poun, je ne garantis pas la prononciation, et donc c'est extrait de ce Danome Songs de Nicolas Geneste qui vient juste de sortir. Nous aimons l'oro en inéo. Awa djidje. Han. Aïha metoe. L'obronan sisi douto. Mik betole. Puro mausi non didole pipan. Wan inéo. Le nagbe. Ewe no mopon. Wan inéo. E no wiwe men. Wan ino tsunka. L'obronan gigo. Beto alo bai, se lodo mon sisi le. Beto alo bai non se lodo sisi le. Wan ino nan gigore. Do wan ino nou boe. Lo bake nou tue, odo I wan ue. Nou mede yo, o hota ji we adok konya yi. Mi na ho kwe de nou me vivere. Agoruma ho, kwede nume, ale kweka una ho, kwede nume, vivele tare kala, kwe otabiwe no mola. Kwena to lepi kwale nume, dame do dakwe bona fona kandilo boli, nude wewe kono kwe u. Una ho, kwede nume, ale kweka una ho, kwede nume, vivele. Tare kala kuyo otabiwe no moa. Kwena tode pipale nunu mia. Name duda kwebo na fono kandilu buli. Mune wewe kono kwe u. Do I will know? Do I will know? c'était Nicolas Geneste, extrait de l'album d'Anomé Songs, et ce morceau s'appelait Midukbek Poun, bien beau morceau qui ressemble certainement à rien de ce que vous avez déjà entendu. Moi, en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment une vraie originalité dans sa manière de composer et d'utiliser la culture africaine pour mettre en musique ses idées et ses compositions. Voilà, on va après tout à l'heure Johan Nustalo, on va revenir avec le coup de cœur suivant en Touraine, avec un garçon qui aussi entre les milieux du jazz et de l'électro, c'est FKJ, French Kiwi Juice, le natif de la commune de Vouvray, et qui a fait ses classes en Touraine, puis est parti à Paris, puis ensuite un petit peu partout sur toutes les scènes du monde. Alors c'est un multi-instrumentiste assez fou qui se produit toujours seul sur scène. Et qui réussit avec l'aide de synthétiseurs, de pédales de loop, etc., à créer des musiques. Alors il passe d'un instrument à un autre, il enregistre les loops, et puis ensuite là-dessus il rebâtit un deuxième loop, puis un troisième, etc. Et puis à la fin on se retrouve avec tout un orchestre, mais c'est lui qui joue de tous les instruments. Sauf que là il sort un petit album uniquement en vinyle, qui s'appelle Live from Greenhouse, où il n'est pas tout seul, et il est carrément accompagné de Youssef Days, carrément le batteur que tout le monde s'arrache, le batteur anglais qui a beaucoup travaillé dans le cadre de Kamal Youssef, le groupe qu'il avait formé avec Kamal Williams, avec ce superbe album qui s'appelait Black Focus, qui était sorti en 2016, Et puis, il a aussi beaucoup travaillé avec des gens comme Tom Misch. Et puis, on avait fait un coup de cœur sur son album solo sorti en 2023 qui s'appelait Black Classical Music. Youssef Days, c'est vraiment un batteur assez exceptionnel, comme Jonathan Blake, plein d'autres comme ça, qui savent utiliser les ressources des musiques électro pour créer avec leur batterie acoustique des sons qui ressemblent à ce qui se fait aujourd'hui en électro. Donc ça complète bien le jeu et le travail de French Kiwi Juice, autrement dit FKJ, et cette rencontre entre les deux hommes dans ce Live from Greenhouse est vraiment très intéressante. Donc tout ça est enregistré entièrement en live, c'est-à-dire que tous les loops qui sont faits avec le saxophone, avec les boîtes à rythme, avec les claviers, etc., par FKJ, sont vraiment faits comme ça, en direct. Il y a une vidéo d'ailleurs sur YouTube de la chose, c'est assez intéressant à voir se construire au fil du temps. Faut pas se louper, quoi, pour réussir à enregistrer un morceau comme ça, mais c'est vraiment vraiment très très très intéressant, une démarche absolument superbe. Le morceau s'appelle Run, et donc c'est extrait de ce Live from Greenhouse. Thank you. C'était donc Run, extrait du Live from Greenhouse de FKJ et Youssef Days. Vous voyez, on est voilà, aux limites du jazz, de l'électro, de la soul funk, etc. Mais c'est vraiment, vraiment très intéressant comme musique. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'artistes qui utilisent comme ça ce que certains appellent des artifices, mais c'est des artifices qu'il faut quand même maîtriser, que ces pédales de loop et cette manière de pouvoir créer avec les instruments des boucles qu'on réutilise comme ça au fil du morceau. Un petit peu de rubrique à bac à disque avec toujours beaucoup de nouveautés ces temps-ci à sortir ou déjà sorti, un album en duo de Theo Crocker, le trompettiste, avec Sullivan Fortner, le pianiste. Ça s'appelle Play, et peut-être qu'on en reparlera, parce que ça peut s'avérer très intéressant, cette petite chose-là. Un nouvel album du joueur de oud Dafer Youssef, qui s'appelle Shiraz, et qui sort ces jours-ci sur Act. Il y a, on en avait déjà parlé, bien sûr, le nouvel album de Marion Rampal en hommage à Bill Lincoln, le nouveau China Moses, le nouveau Dave McMurray qu'on a fait en coup de cœur la semaine dernière, un nouvel album de Henri Texier qui s'appelle Healing Songs. On en reparlera sûrement aussi dans les semaines qui viennent. Un nouveau Offline, on avait fait un coup de cœur sur l'album précédent, donc à voir, on écoutera ça de près. Nouvel album de John Scofield en duo avec Dave Holland. On parlait de Dave Holland tout à l'heure avec l'hommage que lui rend c'était la semaine dernière avec l'hommage qu'on faisait avec Jack de Jonette, Pat Metheny et Herbie Hancock. C'était Dave Holland qui jouait de la basse sur le morceau final de la dernière émission. Donc cet album en duo s'appelle Memories et il risque d'être fort, fort passionnant. John Scofield qui sera en concert au mois de mai à Malraux, à l'espace Malraux, à jouer les tours. Donc voilà, prenez vos places s'il est encore temps, parce que ça risque d'être plein assez vite. Il y a l'album d'Antonio Farao aussi, Kind of Solo, piano solo, qu'on a fait en coup de cœur la semaine dernière. Enfin bon, bref, beaucoup de choses. Et puis énormément, énormément, énormément de rééditions. On espère avoir, je pense qu'on va faire une ou deux émissions en fin d'année quand il n'y aura plus trop d'actualité sur toutes ces rééditions qui sortent, parce qu'il y a plein, plein, plein de disques dont on n'entend jamais parler, des rééditions de trucs complètement rares ou inédits même, qu'il faut absolument prendre le temps d'écouter, parce que c'est là qu'on se rend compte que le jazz a encore beaucoup de petites pépites à nous faire découvrir. Voilà pour cela, et on va terminer cette émission. Puisqu'on parle de petites pépites un peu rares, eh bien c'est la réédition, enfin la première édition véritablement d'ailleurs, en vinyle et en CD d'une série de concerts, de Gabor Szabo, le guitariste américain d'origine hongroise. Et au fil des années, il avait été retrouvé un petit peu ses racines en Hongrie. Il a enregistré plusieurs émissions pour la télévision hongroise. Chez lui à Budapest. Et donc, au fil des années, il y a eu différents concerts en 1974, en 1978 et en 1981. Donc, c'est le meilleur de ces concerts est compilé sur ce disque qui sort ces jours-ci. Et c'est vraiment très, très intéressant parce que c'est un guitariste qui a un jeu tout à fait particulier, qui doit beaucoup à ses racines hongroises. Hein. Il y a beaucoup d'influences qui viennent des musiques tziganes et puis des musiques folkloriques hongroises, mais pas que, ça reste un guitariste très jazzy, et vous allez le voir dans le morceau qu'on va écouter qui s'appelle 13. C'est un morceau qui était sorti à l'origine sur son album Mizrab, sorti en 73 sur le label City High, dans lequel il était accompagné par Ron Carter, Billy Cobham, Jack de Jonette, à qui on rendait hommage la semaine dernière, il était là aussi, Bob James et Ralph McDonald. Là, la version qu'on va écouter est une version juste en en trio avec le contrebassiste Alarda Page, et puis un clavier dont le nom m'échappe parce qu'il n'était pas indiqué dans la fiche technique de l'album. Donc voilà, on va essayer de deviner qui ça peut être. Et vous allez voir que donc ce morceau qu'on va écouter, 13, commence par un thème exposé à la guitare qui fait très folklorique, qui fait très tzigane. Et puis petit à petit, ça évolue et à la fin, le morceau est carrément jazz funk. Ça joue avec des Fender Rhodes et tout, c'est vraiment, vraiment super intéressant. On va se quitter sur ce morceau-là, donc qui s'appelle 13, extrait de cet album Complete Live in Budapest. Je vous dis à la semaine prochaine pour encore d'autres actualités, très certainement. Passez une belle semaine. Merci à Vincent d'avoir assuré la technique. Vous pouvez retrouver cette émission sur le podcast de Radioactive, www.radioactivefm.fr. Et puis, si vous avez des petites choses à nous dire, des petites remarques, etc., ben, n'hésitez pas à le faire sur le Facebook Osé Jazz à tous les étages ou sur le Instagram Osé Jazz. À très bientôt, passez une belle semaine et bonne soirée à vous. Thank you.